Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et nous ouvrons l'émission sur les extrêmes climatiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par extrêmes climatiques? Sont-ils en lien avec le réchauffement climatique? On en parle avec Samuel Bolduc, qui est professionnel de recherche en sciences de l'eau à l'INRS ETE. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors, peut-être qu'il faut commencer justement par définir ce que c'est qu'un extrême climatique. Oui, donc l'extrême climatique... On peut, je pense que la plupart des gens vont s'entendre pour dire que c'est un phénomène météorologique ou un événement météorologique qui survient rarement, donc qui n'est pas très fréquent. Moi, pour ma part, je travaille plutôt avec la pluie, donc ça pourrait être, par exemple, une pluie diluvienne qui va laisser des trombes d'eau en peu de jours. Donc, maintenant, comment qu'on fait pour dire qu'un événement est peu fréquent? Bien, généralement, on va regarder un historique de pluie, donc un historique de précipitation. Et à partir d'une analyse statistique, on va déterminer à quoi correspond, par exemple, un événement de pluie qui survient, disons, en moyenne à toutes les 2, 5, 10, 25, 50 ans. Mais on s'entend qu'un événement qui survient toutes les 50 ou les 100 ans va être plus intense qu'un événement de tous les 2 ans. C'est ça, exactement. Extrême climatique, c'est bon. On entend aussi extrême, donc on suppose que c'est quelque chose de particulièrement intense au-delà de ce qu'on appelle les normales saisonnières, etc. Oui, c'est ça, exactement. Donc, si c'est moins fréquent, c'est ça. Par conséquent, c'est plus intense. Donc, si c'est pour un événement de pluie, on peut s'attendre à avoir plus d'eau qui va survenir lors d'un extrême climatique. Donc, et c'est là vous parlez de l'eau, mais ce serait la même chose pour la température, pour la chute des neiges, la présence de glace, en tout cas pour d'autres phénomènes météorologiques. Oui, exactement. D'accord. Donc là, ça veut dire qu'on regarde un historique, donc ça veut dire qu'il faut prendre des données. On est capable de le faire depuis quand? Au Québec, lorsqu'on a 50 ans de données en ce qui concerne, par exemple, les précipitations, on saute de joie. Là. C'est la panacée au Québec. En général, on a plutôt, je dirais, peut-être 20-25 ans de données de précipitations pour les stations météorologiques. Si on va ailleurs, en Europe, en Europe, on peut avoir des fois des historiques qui vont au-delà de 100 ans. Donc là, ça, c'est très intéressant. Mm-hmm. Parce que quand on veut justement établir la récurrence d'un événement de pluie, ben, plus l'historique est long, mieux c'est. Donc, sinon, l'incertitude devient très grande. Oui, ben, c'est ça. Justement, je me disais, il doit y avoir une certaine incertitude, drôle de façon de parler. Ben oui, parce que si on a 20 ans de données et qu'on veut estimer un événement qui survient à tous les 100 ans, on est dans l'extrapolation. L'incertitude est très grande. Et il y a un autre point aussi qui est important de mentionner, c'est que lorsqu'on dit qu'un événement survient, par exemple, à toutes les 10 ans, ou c'est en moyenne, donc l'événement survient en moyenne à tous les 10 ans. Donc, c'est pas... Si on a un événement qui survient en 2015, le prochain ne sera pas en 2025. Mm-hmm. C'est sur la base de l'historique qu'on va dire que cet événement-là survient à tous les 10 ans. Mais il peut survenir 3 années consécutives. Ah oui, c'est ça. Et ne pas en avoir ensuite pendant plusieurs décennies. C'est ça. C'est peut-être ça qui est un peu difficile à appréhender pour nous, qui ne sommes pas spécialistes de la question. C'est qu'on va avoir 3 années de suite d'un extrême climatique, on se dit ça devient un phénomène normal, récurrent tous les ans, mais et pas forcément. S'il y a des gens, par exemple, qui subissent une inondation et que là, la ville vient leur dire « Oui, mais c'est un événement qui survient une fois toutes les 25 ans, selon nos estimations », et que l'année d'après, il y a encore des inondations, et que là, la ville revient leur dire « Oui, mais cet événement-là aussi survient une fois toutes les 25 ans », là, le citoyen se dit « Oui, mais vous m'avez dit ça l'an passé ». C'est vrai, mais c'est probable. Je veux dire, en fait, la probabilité existe, elle est mince, mais ça se peut que ça arrive. Et comme ce sont des événements, on parle de récurrence, est-ce qu'avec les changements climatiques, la récurrence d'un événement, je vais dire n'importe quelle quantité parce que je n'ai pas de données, pas d'idée, mais 10 cm d'eau, est-ce que, si ça a telle récurrence, est-ce qu'on peut dire qu'avec les changements climatiques, la récurrence peut changer? Oui, c'est ce qu'on est arrivé à démontrer dans certains pays à partir de données historiques, donc qu'il y a une tendance à la hausse en ce qui concerne les extrêmes climatiques, donc les pluies. Donc, par exemple, on peut penser que l'événement qui survient actuellement en moyenne une fois à toutes les 20 ans actuellement, à l'horizon, par exemple, 2040-2070, ce même événement-là peut survenir, par exemple, une fois à toutes les 10 ans. D'accord. Donc, si on a mis, par exemple, des infrastructures en place qui ont une durée de vie utile, mettons, de 50 ans, à ce moment-là, ça veut dire que leur performance en climat futur ne sera pas la même que ce qu'elle est actuellement. Elles ne seront pas prévues, c'est ça. Elles ne seront pas prévues pour les pluies qui vont tomber dans 50 ans. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'extrêmes climatiques? Je pense au Saguenay en 96, mais il y en a peut-être d'autres. J'ai retenu 3 événements pour montrer bon, de quoi qu'on parle quand on parle d'extrême climatique. Mm-hmm. Le premier, j'ai choisi un événement qui est très récent parce que c'est le genre de choses qu'on oublie vite, c'est dimanche passé. Donc, dimanche passé, si vous vous souvenez, il a tombé beaucoup d'eau dans la région de Québec. Il a plu toute la journée. Parfois, ça tombait assez fort. Et on a reçu, en moyenne à Québec, environ 60 mm d'eau, donc 6 cm d'eau. Mm-hmm. On peut dire que c'est à peu près une récurrence 2 ans. Donc, ce genre d'événement-là survient en général une fois tous les 2 ans. Donc, on ne parle pas ici d'extrême climatique. Puis, je n'ai pas entendu non plus aux nouvelles ou quoi que ce soit qu'il y a eu des inondations importantes là, reliées à l'événement de pluie qu'on a eu dimanche. Maintenant, si on remonte en 96, donc là aux événements du Saguenay, à ce moment-là, eux, dans certaines régions, ont reçu 275 mm de pluie, donc près de 30 cm de pluie. Mmh. Là, ça commence à être beaucoup d'eau et oui. On a vu le résultat aussi. Bon, les inondations ont été importantes. Là, on peut parler justement là, d'extrême climatique. Et si maintenant on parle de... Et ça revient avec quelle récurrence? Bien, pour l'événement du Saguenay, on va dire une récurrence qui est au-delà de 100 ans. Ah, d'accord. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire 500 ans, 1000 ans. L'incertitude est tellement grande. Mm-hmm. Je préfère dire que c'est au-delà de 100 ans. Mm-hmm. Bon, puis c'est un extrême climatique. Non, mais ça donne quand même une idée qu'effectivement, c'est un événement exceptionnel. Ça ne survient pas souvent. Exactement, c'est exceptionnel. Et lorsqu'on parle, par exemple, de Harvey, là, mm-hmm. on est dans un tout autre ordre de grandeur. Quand Harvey a atteint la côte ouest américaine, il a laissé à Houston 1200 mm de pluie. Donc là, c'est 1,20 m, 120 cm là, c'est de pluie. Là, c'est inimaginable, ouais. presque. Ouais. Donc, c'est 4 fois plus que ce que les gens au Saguenay ont reçu en 96. Là. Mm-hmm. Et là, à ce moment-là, bon, on peut même pas à peu près... Moi, j'établirais même pas de récurrence à cet événement-là parce qu'on le sait pas, puis nos historiques, nos connaissances sont pas assez grandes pour le faire. On sait juste que c'est, mm-hmm. C'est un gros événement. Mm-hmm. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que l'ouragan Harvey est dû au changement climatique? Mm-hmm. Donc ça, ce serait, je dirais, sauter vite aux conclusions. On peut pas arriver... puis dire sur la base d'un seul événement qu'on ne peut pas arriver à dire que les changements climatiques existent ou n'existent pas sur la base d'un seul événement de pluie. Je ferais à l'inverse, on ne peut pas non plus dire parce que pendant les 2 semaines de construction, il a fait froid, par exemple, cet été, que le réchauffement climatique à l'échelle planétaire n'existe pas. Donc on ne peut pas justement... de mentionner que les changements climatiques existent en raison de Harvey. Si on avait un historique, là, si on avait le recensement de tous les ouragans qui ont touché, par exemple, les États-Unis au cours des 1000 dernières années, ouais. probablement qu'on remarquerait qu'il y a déjà eu des événements semblables à Harvey qui ont touché le territoire mm-hmm. aux États-Unis. Et on verrait aussi probablement qu'il y a déjà eu d'autres années où on a eu une suite d'ouragans très, très, très, très importants là, qui se sont suivis un après l'autre, comme c'est arrivé justement là, ouais. en 2017. Ouais, maintenant, si on veut associer quelque chose au changement climatique, mais là, on doit prendre du recul, puis regarder les historiques et voir s'il y a des tendances significatives dans les historiques pour voir si justement, là, il y a une hausse, par exemple, des extrêmes climatiques. Alors, comment on la voit, cette tendance? Bien, c'est ça. Donc, cette tendance, ça va être encore là à partir de tests statistiques. Donc, on va vérifier justement si, par exemple, si on prend, bon, pour les ouragans, si on arrive à démontrer, par exemple, qu'au cours des 15 dernières années, le nombre d'ouragans annuels est 2 fois plus grand que ce qu'il était il y a, mettons, 100 ans, mm-hmm. bien là, on peut penser justement qu'il y a une cause à ça, que ce sont les changements climatiques. Parce que les changements climatiques induisent un réchauffement planétaire, réchauffement global à la surface de la planète. S'il fait plus chaud, l'atmosphère est plus chaude, elle peut contenir mm-hmm. plus d'humidité. Et un ouragan, ça se nourrit d'humidité. Mm-hmm. Donc, c'est logique de penser qu'il pourrait en avoir plus. Mm-hmm. Mm-hmm. D'accord. Est-ce qu'on peut faire le même genre de remarque avec la température? Quand on a des périodes chaudes, donc comme là récemment, donc si ce genre de phénomène se répète d'année en année, que le mois de septembre on observe qu'ils sont plus chauds que la normale. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut en déduire une tendance? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une tendance? Bien, encore là, on ne peut pas se fier à seulement un été. Donc, non, ça prend. C'est ça, mais ça, oui, ça, si on le voyait, mais. Il reste que c'est très difficile de voir des tendances et ça prend des longs historiques. Oui. Là où on a observé des tendances, c'est souvent, par exemple, en Europe, en Amérique centrale, les États-Unis, en Asie, où là, parfois, on a des historiques, comme je l'ai mentionné plus tôt, qui sont au-delà de 100 ans. Donc mm-hmm. là, on arrive à observer des tendances D'accord. à partir de ça. Mais au Québec, bon, avec nos historiques, comme je le disais, donc quand, généralement, pour la pluie, on a des historiques de 20-25 ans. Quand on a 50 ans, c'est beaucoup. C'est très dur de démontrer ou d'observer une tendance là-dedans. Et à ma connaissance, jusqu'à maintenant, on n'est pas arrivé mm-hmm. à démontrer qu'il y avait une tendance significative, par exemple, à la hausse en ce qui concerne les extrêmes climatiques d'accord, pour la d'accord, pluie. D'accord. Mais pour ça, on a besoin de modèles climatiques, j'imagine, aussi. C'est ça. Bien, ça, les modèles climatiques, c'est un outil quand même assez extraordinaire qui nous permet, bon, dans lequel on va induire un scénario et qui nous permet d'avoir, si on veut, une très bonne idée du climat, par exemple, à l'horizon 2040, 2070, 2100. Et eux, les modèles climatiques, les résultats des modèles climatiques, ce qu'ils nous indiquent, c'est justement c'est qu'il va y avoir une hausse des extrêmes climatiques. Mm-hmm. Donc, on va penser, justement, qu'il va y avoir beaucoup plus de précipitations intenses et en climat futur qu'en climat actuel. D'où la nécessité, donc, de prévoir des infrastructures pour ces événements extrêmes qui arriveront dans 50 ans, par exemple. Dans 50 ans, exactement. Donc, mm-hmm. Mais là, quand on parle d'adaptation, c'est un tout autre sujet parce que si on prend l'ouragan Harvey, s'adapter à ça, on peut mettre des plans d'intervention en place pour peut-être limiter les pertes humaines, mm-hmm. mais mettre des infrastructures mm-hmm. en place pour retenir cette quantité d'eau-là, c'est à peu près impossible. Même si Houston avait été un milieu qui était complètement boisé, avec des milieux humides comme c'était avant qu'il y ait un développement du territoire, avec 1,2 mètre d'eau, ça ferait longtemps que tous les milieux humides seraient complètement pleins. Ouais. Et il y aurait eu des inondations pareilles. Mais pour des événements, disons, de moindre importance, là, comme, des inondations peut-être d'une récurrence aux 50 ans, peut-être, je ne sais pas. Donc là, est-ce qu'il faut prévoir les infrastructures? Oui, il y a certainement des améliorations qui peuvent être apportées dans la façon qu'on développe le territoire, donc en diminuant, par exemple, les surfaces imperméables. Ouais. Et on peut aussi voir, lorsqu'on fait, par exemple, un réseau d'égouts en milieu urbain, souvent, on va le mettre en place en se disant, on accepte un certain niveau de risque, on va se dire que généralement, à peu près une fois tous les 10 ans, notre réseau peut déborder et on accepte ça. Mm-hmm. Mais ce qu'on fait pas, c'est, par exemple, vérifier lorsqu'il va déborder, où ça va déborder. Donc ça pourrait être une amélioration qui pourrait être apportée. Donc si l'eau, c'est pas compliqué, elle va aller dans le point bas. Donc ça pourrait être une belle possibilité de mettre les parcs, par exemple, dans un point bas et d'aménager les parcs de telle façon qu'ils puissent recevoir les eaux qui proviennent des inondations, plutôt que ce soit les gens qui le reçoivent dans leur sous-sol. Exactement, c'est un bon point. Merci beaucoup, Samuel. Il n'y a pas de quoi, ça fait plaisir. Je pense que ça va nous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur les caprices futurs de la météo. Merci beaucoup, Samuel. Merci beaucoup. Donc je rappelle que Samuel Bolduc est professionnel de recherche à l'INRSETE. On passe maintenant en pause musique sur CKRL 89.1 et au retour, on vous parle d'aventuriers scientifiques.